Monsieur Atakounia, vous êtes trop bad, vulgaire dans votre musique. Plus de love. Monsieur Guyana, trop de love dans votre musique. Plus de vulgarité. Monsieur Lasconi, allez, mettez les chaos, s'il vous plaît. Pas en thérapie ou pas 4 ans. Je me donne le fire, fire, fire, le rythme, je les réduis ensemble. Ça fait tous les bons bouquets que je prends le mal au spawn. J'habille ma musique en rain sol, je suis pas là pour la détente. Ne crois pas que je plaisante, je ne veux pas qu'on fasse une descente. Qu'à moi direct, j'appuie sur la. Car les flots, je peux t'en faire 50 juste pour amorcer ta descente. Donc pas besoin de thérapie, man. Ouh, les informats s'informent sur nos vies. Ouh, cherche à savoir combien on pèse en vie. Ouh, sans gêne, les ragoteurs nous avons des vies. Vous êtes gentils, j'ai pas besoin de thérapie. Pas besoin de thérapie, j'en fais mort tous ces rappés. Tout d'un seul, faut que je remplisse mon bête. La street, la débouche, voilà ma vie. Heureux bédo, pumbo, voilà mon kiff. Frôle mon fric, je réduis ton espérance de vie. Touche à ma fille, une seule balle se fait. Tant pas de me déconcentrer dans une prière qui me capte. Déclenche des maladies, une jalousie, hypocrisie. Chose à sa ta couille, l'or pourrait laver. Les informats s'informent sur nos vies. Non, non, non, non. Ouh, cherche à savoir combien on pèse en billes. Ouh, sans gêne, les ragoteurs nous avons des vies. Vous êtes gentils, j'ai pas besoin de thérapie. Plus vite qu'un téléphone arabe, speed, speed. Propager des rumeurs, des paroles morbides. Kounia, maman, cocaïne, héroïne. Mais est-ce qu'à cabrio, cannabis? Ma quelqu'un veille au jol pour dans yo figo vite. Pire, c'est des comédias, cartoon, des infamas. Capote, ouais, c'est pour thérapie. Ouh, les informats s'informent sur nos vies. Ouh, cherche à savoir combien on pèse en vie. Ouh, sans gêne, les ragoteurs, nous avons des vies. Vous êtes gentils, j'ai pas besoin de thérapie. Les informats s'informent sur nos vies. Ouh, cherche à savoir combien on pèse en vie. Ouh, sans gêne, les ragoteurs, nous avons des vies. Vous êtes gentils, j'ai pas besoin de thérapie. Mister Lasconi, Mister Atakounia, Mister Guyana, les choses se sont